France Inter, franceinter.com. Attention, message personnel, panique au Mangin Palace. Je répète, panique au Mangin Palace. Nous revoilà. C'est la panique en direct du Mangin Palace, épisode 166. Bienvenue à toi, dans ce monde archi-loufoque et total foutraque, où l'élégance se mélange au n'importe nawak, le tout dans une farandole de volutes sonores, orchestrée par une bande de doudingues. La machine est prête et, a priori, nous serions ce matin, selon le grégorien, le dimanche 7 juin 2009, 11h05, bonjour à toi, l'ami. Avant tout ce matin, dans Panique au Mangin Palace, tu es bigrement conscient que la main tendue de Barack Obama jeudi dernier nécessite sans doute encore quelques efforts. Ce midi, j'ai tendu la main aux musulmans. Bien joué, Obama. Ils tendent la main et hop, on leur coupe. Non, là, tend vraiment la main. Et la clé de bras, on y met sa gueule dans son couscous au bougnoul et on l'étouffe. Non, je veux que nous soyons amis. Ouais, je vois. On les invite à dîner, on met du poison dans leur plat et ils meurent dans d'atroces souffrances. Oui, tu l'as bien compris, l'ami. Ce matin, tu redécouvres ici les absurdités du monde qui t'entoure. Ainsi, le Mangin Palace te propose durant 53 minutes d'organiser un beau barnum burlesque autour des actualités manipulées par le prince du monde. Alors communions ensemble, chers amis, au nom de l'allégresse, de l'extase potache et du joda Saint-Esprit, ainsi soit-il. Voici donc la liturgie de notre joyeux panorama contre les assauts de la morosité. Eh bien, selon notre protocole, nous débuterons bien sûr par notre espiègle office diplomatique et freudien, durant lequel nous croiserons ce matin une farandole de lèse-majesté. Dans la foulée, nous franchirons les Alpes, où nous irons réellement faire le point sur cette fabuleuse comédia dell'arte intitulée « Le cavalier et la jouvencelle ». Ensuite, nous descendrons clandestinement dans les sous-sols obscurs et sinueux de l'INA, où nos joyeux fantômes radiophoniques ont fabriqué durant toute la semaine un curieux cadeau pour la fête de ta mère et que nous ausculterons ici avec délectation. Immédiatement après, direction Grosboul-les-Bains, où nous te dévoilerons comment Jean-Claude et Monique se sont plongés dans l'univers du tennis pour rebondir face à la guerre de récession. Et puis, comme d'habitude, nous enchaînerons par les tribulations de notre facétieux reporter à la poursuite du virus de la grippe précaire. Et enfin, peu avant midi, afin de ne rien oublier de ces absurdes actualités, notre petit kiosque sévèrement fourni ouvre ses portes pour une authentique mais curieuse revue de presse. Une seule mission, tenter de chahuter tes zygomatiques. On est dimanche matin, on est bien et le décollage est imminent. Allez, c'est parti, c'est la panique en direct du Mangin Palace. Alors bien sûr, monte le son sévère, car c'est le retour d'ACDC sur France Inter. I'm not afraid. Hell's Bells. Ce sont les cloches de l'enfer qui devraient à nouveau retentir après-demain sur la pelouse du Vélodrome de Marseille, puis vendredi soir au Stade de France pour deux fantastiques concerts d'AC/DC. Plus que jamais, Belzébuth se porte bien. Tous les 1000 ans, la veille du passage du millénaire, Satan revient sur Terre, prend apparence humaine et va à la recherche de la femme qui portera son enfant. L'acte devra se produire une heure avant minuit, le soir du réveillon de jour de l'an. Alors le prince des ténèbres veut conquérir la Terre, mais il doit attendre une heure avant minuit, le soir du réveillon du jour de l'an, suivant l'heure de Greenwich. Alors maintenant, au son des cloches du Mangin Palace, le moment est venu pour toi de te vautrer confortablement, car il est à présent 11h10, l'heure idoine, pour amorcer ensemble les modestes aventures laïques de ce 166e épisode. 166, assurément le diable n'est pas loin. Et, comme l'exigent nos évangiles, débutons immédiatement par notre petite session freudienne, en compagnie de Monsieur Divan Beaujolais, le fiefé sacripant de nos coursives, avec qui nous avons traqué cette semaine les crimes de lèse-majesté. Résultat, pêle-mêle, nous croiserons une reine d'Angleterre humiliée, puis le king de la bagnole empêtrée, et enfin le cavalieré bien embarrassé. Allez, en route maestro, tends bien l'oreille, ainsi soit-il. La reine d'Angleterre n'avait pas été spontanément invitée par la France. Et ici, on affiche complet. En Normandie, ce qui avait, semble-t-il, ému Buckingham. L'occasion était trop belle pour le Daily Mail de réactiver ainsi la rivalité franco-britannique. Du coup, le tabloïd n'y va pas par quatre chemins. Il dénonce l'orgueil des politiciens français qui insultent la reine. Elle a toujours quelque chose qui va pas. La seule dirigeante encore en vie qui est servie pendant la guerre. Et il dénonce l'inclinaison du président Sarkozy, surnommé... Zoltan. L'Américain, à vouloir à tout prix flatter Barack Obama. Ça prouve que j'ai de l'ubiquité. Deux ? C'est pas de l'ubiquité ? En oubliant du coup le sacrifice des troupes britanniques et canadiennes. De l'humilité ? L'humilité, c'est pas quand il y a des infiltrations ? General Motors, l'insubmersible. Regardez-moi ! Depuis 1908, le symbole de la grande entreprise mondiale. Je fais naufrage. General Motors est aujourd'hui officiellement en faillite. Peut-être le constructeur va-t-il renaître de ses cendres plus tard. Oh, aidez-moi, aidez-moi, aidez-moi. Mais pour l'instant, c'est la fin d'un règne qui s'écrit la fin d'une époque. Je vais être coulé par une société qui demande le succès quand tout ce que je peux offrir est la faillite. C'est la chute du symbole même du rêve américain que Barack Obama en personne devrait annoncer dans la journée. Vous êtes mon canot de sauvetage. Après avoir englouti 20 milliards d'argent public pour tenter de survivre, General Motors va se mettre sous la protection de la loi sur les faillites pour tenter de renaître. General Motors prévoit de fermer 11 usines et... Quoi ? Rien du tout. Et d'en mettre 3 autres au chômage technique. Alors vous réfléchissez, et moi je suis fatigué, je vais faire un somme. Réveillez-moi s'il y a le feu. Now this is your last chance. I've been more than reasonable. Mais bien finalement c'est le prince Charles, qui va participer aux festivités en Normandie. En présence de Barack Obama, donc, et de Nicolas Sarkozy. Un book de photos oublié sur un bureau par un présentateur vedette de Mediaset. Voilà comment aurait commencé l'amitié entre Silvio Berlusconi et Noémie. Le président du conseil regarde les clichés, prend son téléphone pour dire à la jeune fille qu'il trouve son visage angélique. Suivent une série d'invitations, dont une à Noël dans la villa de Silvio Berlusconi en Sardaigne. La jeune fille y va accompagnée d'une amie. Elles sont toutes deux mineures. Épargnez-nous la suite, on connaît l'engrenage. Calomnie, s'insurge le président du conseil sur CNN. Face à une accusation de ce genre, je réagirai, j'expliquerai exactement la situation. Et parfaitement, le piège classique, les premières chaleurs du printemps. Et j'aurai encore tous les Italiens avec moi. Moi c'est bien simple, depuis ma première communion j'ai l'impression que ma braguette est ouverte. Je passe mon temps à me vérifier. Mais l'opposition, la presse internationale et même l'église maintenant s'impatientent. L'hebdomadaire Familia Christiana demandait à son tour des réponses, ironisant sur le fait que l'immunité morale n'existe pour personne. On se confesse et on recommence le lendemain. Voilà, c'est bien ça mon père, ça fait partie du sacrement. Je dois reconnaître que l'église est très incomplète à ce sujet-là. Merveilleuse Italie, fantastique contrée où sont nés Leonardo da Vinci, Antonio Vivaldi, Primo Levi, Pier Paolo Pasolini, une panoplie de génies. Seulement voilà, aujourd'hui, ce pays transalpin est dirigé par un vieux ringard populiste, tendance mafieux, empêtré qui plus est ces derniers temps dans une sombre affaire de mœurs que la presse italienne a désormais baptisée le Noemi Gate. Noemi Letizia, cette jeune napolitaine qui a fêté ses 18 ans le 26 avril dernier en compagnie de Silvio Berlusconi, invité surprise et que Noemi surnomme carrément Papounet. Cela dit, jusqu'à présent, rien ne prouve que le président du Conseil italien entretient des relations sexuelles avec cette jouvencelle. En revanche, depuis quelques jours, nous savons un peu mieux à quoi ressemblent les soirées de Silvio dans sa sublime villa en Sardaigne. Alors hier soir, je rencontre une Italienne. Alors moi, ni une ni deux, je lui offre un verre. On discute des heures. Et puis je lui dis, viens continuer à la maison. Alors j'attaque. Et alors là, je lui fais la position du poulpe. Le poulpe, c'est un truc que je connais bien. C'est-à-dire qu'elle écarte les cuisses. Non, c'est moi tout d'abord qui m'insinue. Non, c'est elle. Non, c'est pas elle, putain. C'est-à-dire, elle se cambre d'abord et elle s'écarte après, c'est pas ? Ah non, c'est ça. C'est moi qui me mets contre elle et en la cambrant, en la remontant. Oui, mais alors ça marche pas si... Ah, si j'avais un Polaroid. Eh bien, des photos, justement. Nous en avons vu, puisque le quotidien espagnol El País a publié avant-hier 5 clichés de paparazzi prises dans le jardin néo-antique de la villa en Sardaigne de Monsieur Berlusconi et photos sur lesquelles nous pouvons voir quelques jeunes femmes lascives et très dénudées en compagnie de l'ancien Premier ministre tchèque, ami de Silvio. Tchèque donc, quant à lui, totalement à poil et en pleine érection, très classe. Évidemment, c'est le gros scandale du moment, renforcé par la volonté de Berlusconi d'imposer des jeunes femmes sur ses listes électorales pour les européennes en Italie, afin de rendre celles-ci plus glamour, paraît-il. Jeunes femmes à qui Silvio a fait passer des castings, bien sûr. Bonjour. Bonjour. J'ai 31 ans, je suis responsable du service marketing dans un groupe pharmaceutique. Je suis catholique non pratiquante, scorpion ascendant bélier. Je fais du tennis, du roller, du ski et du tir au pistolet. Je ne bois pas, je ne fume pas, je tolère les enfants, mais je déteste les animaux. J'ai 32 ans, je suis responsable de la DRH dans un groupe de télécom. Je conduis une Audi A3, injection. J'aime aller à l'opéra, passer des week-ends à l'étranger. Je ne supporte pas les torses velus ni les ongles sales. Et je ne pratique pas la fellation. D'accord. Excusez-moi, mais pour la fellation, c'est définitif. Bien entendu, celle-ci n'a pas été retenue comme candidate sur les listes de Berlusconi. Dans la foulée, excédée, l'épouse de Silvio s'est barrée et réclame désormais le divorce car, nous dit-elle, je cite, « Comment rester la femme d'un homme qui fréquente des mineurs ?» Bon, forcément... Devant cette tempête médiatique et face à l'enjeu du scrutin européen en Italie, les conseillers politiques de Berlusconi ont tenté, il y a quelques jours, de retracer avec lui précisément la chronologie de ces dernières semaines, justement. 8 mars, tentative de séquestration de mineurs à des fins libidineuses. 21 avril, soulographie, avec coups et blessures à l'épouse. C'est quand ça ? Quand t'as donné un coup de couteau à ta femme. Ah, le coup de couteau, oui. Elle a guéri. Ouais. Et aujourd'hui, menace, coup, bien sûr. Je finis par te voir plus souvent que ma propre femme. Dis-lui, Tchaïoni, que je le vois plus souvent que ma femme. Tu te vois plus que sa femme. Mais c'est lui qui me convoque, c'est pas moi. Et maintenant, sors. Fous le camp. Et disparaît. Dépité par l'ampleur des déboires berlusconiens, même les conseillers politiques de Silvio sont à bout de nerfs. D'autant plus que le président du Conseil italien a tenté de se justifier à leurs yeux. Car selon lui, son mode de vie d'aujourd'hui n'est qu'une simple revanche sur sa timidité vaincue dont il fut victime adolescent. Laissez-moi vous citer au hasard quelques cas de timidité vaincue. Stendhal, incapable de saluer sa logeuse, 6 mois plus tard, écrit le rouge et le noir. Bravo, et pourtant deux couleurs qui ne vont pas bien ensemble. Robespierre, en 1788, n'ose pas inviter Marie-Laure, sa cousine, à danser les minuettes. 1790, il estore les terreurs. Il fait couper 120 000 têtes. Bon score. n'est-ce pas? Napoléon et Bonaparte, dominés par sa mère. On est tous passés par là. Après quelques années d'exercice, laisse derrière lui l'Europe à feu et à sang. Clac, clac, cric. Plus près de nous, un petit peintre en bâtiment n'ose pas demander une augmentation à l'entrepreneur qui l'emploie. Maigri provoque les plus grands génocides de tous les temps et passe à la postérité sous le nom d'Adolf Hitler. Oui, Silvio Berlusconi possède quelques travers fâcheux et il est mégalomane et populiste. Car attention, toute cette histoire de mœurs en Italie ne doit surtout pas faire oublier d'autres aspects de la personnalité de ce guignol milanais. Souviens-toi par exemple, pour quelles raisons précises Silvio Berlusconi, ce richissime homme d'affaires, s'est lancé dans une carrière politique lors des élections législatives en 1994. L'année prochaine, il va y avoir des élections législatives. Et cette fois, notre groupe veut intervenir directement. Et tout le monde va devoir nous aider. Nos télévisions, nos vedettes et tous nos quotidiens. Les modérés sont des personnages indécis, médiocres, des gens sans aucun charisme. Et je crains que la seule solution soit la création d'une nouvelle force politique guidée par moi. Pourquoi parlez-vous des modérés? Vous vous moquez pas mal des modérés. Si vous voulez faire ça, c'est parce que votre entreprise a 5000 milliards de dettes et que maintenant les juges sont sur la piste des comptes que vous avez à l'étranger. En fait, vous voulez entrer en politique, parce que sinon c'est la prison qui vous attend. Et voilà. Devenu chef du gouvernement italien en 1994, grâce notamment au soutien de la Ligue du Nord, parti politique ouvertement raciste et xénophobe, Silvio a ainsi échappé à la justice qui lui courait après. Cependant, très vite, et régulièrement depuis, il est au cœur d'affaires judiciaires, poursuivi notamment pour corruption et fraude fiscale, à hauteur de plusieurs centaines de millions d'euros. Parfois, il a même été condamné, puis bien sûr, systématiquement acquitté. Mais découvre par quel procédé un homme politique condamné par la justice de son pays n'hésite pas à bafouer la démocratie lorsqu'il remet en cause l'un de ses piliers fondamentaux, la séparation des pouvoirs. Dans une démocratie libérale, le devoir des juges est d'appliquer la loi et non pas d'opposer une résistance. Une résistance, je dis une résistance, contre celui qui a été choisi par les électeurs pour gouverner. Dans une démocratie libérale, un gouvernant ne peut être jugé dans tous les cas que par ses pairs, c'est-à-dire les élus du peuple. La caste de la magistrature veut s'attribuer elle-même le pouvoir de décider à la place des électeurs. Et je dirais que le moment est maintenant venu de les en empêcher. Merci. Vous allez démissionner, monsieur le président? Par ma condamnation, est-ce que vous allez continuer à vous battre? Je dis que notre démocratie s'est transformée en un autre régime. Un régime contre lequel tous les hommes libres, comme vous l'êtes, vous, vont avoir le droit de réagir de toutes les façons. Merci. Eh oui, lorsque le pouvoir exécutif menace aussi violemment le pouvoir judiciaire, clairement, nous ne sommes plus en démocratie. Un tel discours n'est pas très éloigné de pulsions populistes crasses, pour ne pas dire fascisantes. Et figure-toi qu'en plus, le 23 juillet 2008, Berlusconi a fait voter une loi pépère qui lui garantit carrément l'immunité judiciaire. Franchement, sans conteste, Silvio est devenu malheureusement le meilleur colporteur de tous les clichés italiens. Je suis Rital et je le reste, et dans le verbe et dans le geste. Vos saisons sont devenues miennes, mais ma musique est italienne. Je suis Rital dans mes colères, dans mes douceurs et mes prières. J'ai la mémoire de mon espèce, je suis Rital et je le reste. Alors, devant cet énergumène, président du Conseil, nous avons ce matin une pensée pour tous les Italiens qui ne sont pas très fiers de leur leader berlusconien. Et nous savons encore une fois, chers amis, que l'Italie fut aussi la patrie de Marco Polo, de Giacomo Casanova, de Luchino Visconti et bien sûr de Rocco Siffredi. Je vais te expliquer une anecdote, c'est que bon, un jour, tu sais, j'étais au Grand Canyon aux États-Unis, là-bas, USA. Et puis bon, j'étais un peu en dépression, je sais pas bien, je prenais en solitique, tout ça. Mais puis, à un moment donné, je tombe comme ça, je sais pas. Je te jure que ça me tient à cœur d'en parler parce que je me suis endormi à cause des médicaments et d'un coup, je tombais dans le précipice, j'allais mourir. Mais heureusement, ça m'habite. Elle s'est réveillée, elle m'a accroché au camion. Tu vois, c'est pour ça que j'ai fait un livre, Ma vie, ça m'habite, parce qu'elle m'a sauvé la vie. C'est pour ça. Merci, m'habite. Merci. I got a smelly rear, I got a dirty nose. I don't want no shoes, I don't want no clothes. I'm living like the king of the dogs. I got a piece of meat in between my teeth. I'll bite your throat if you move on me. I'm sovereign. I'm the king of the dogs. Oh, that life will kill you for the cancer. I don't even own a pair of pants. I'm a dancer, baby. Smell the things that you cannot smell. I'm deadly. I'm the king of the dogs. King of the dogs, c'est Iggy Pop qui veut être le roi des chiens. Et pourtant, il y a 40 ans, il voulait simplement être ton chien. Alors maintenant, après avoir partagé l'intimité intimidante du cavalier et Silvio Berlusconi, la panique au Mangin Palace ouvre dès à présent, à 11h27, sa singulière séquence consacrée aux actualités du lointain. Avant tout, tu ne l'as pas manqué, ce week-end, ce sont les élections européennes. Mais tous les suffrages de nos cœurs vont évidemment aux mamans que nous fêtons aujourd'hui. Un gros bisou à toutes les mamans. Et de leur côté, les voix des fantômes de Lina n'ont pas été insensibles à la perspective attrayante ou effrayante de la fête des mères. Et vendredi soir, dans les sous-sols obscurs et sinueux des archives de la radiodiffusion française, il y avait de l'agitation en vue de la préparation de la fête de ta mère. Notre Bernard l'ermite, planqué dans sa boîte d'archives, n'a évidemment pas loupé une miette de cette petite fête. Ainsi, tends bien l'oreille et découvre ici la vie parallèle de l'Institut National de l'Audiovisuel. Des révélations, des hypothèses. Un Bernard l'ermite. Qui demande la parole ? Cette semaine, à Lina, nous étions des enfants. Alors vendredi soir, pour fêter les mamans, nous avons préparé un grand spectacle son et lumière en 5 tableaux, intitulé « L'histoire de ta mère », écrite en coquillette verte sur une boîte de camembert. Premier tableau, ta mère, la terre. Au début, dans un temps originel, ils mettent des puissances féminines, comme par exemple la terre aux origines. C'est toujours cette tendance qu'avaient les Grecs de repousser vers les origines l'élément féminin. Parce que bien entendu, c'est une société d'hommes. Deuxième tableau, la mère d'Albert, avec la participation exceptionnelle d'Albert Cohen. J'étais invité chez une dame de ce qu'on appelle le grand monde. Et ma mère, ne me voyant pas venir vers 2h ou 3h du matin, a osé téléphoner pour demander si son fils Albert était toujours chez cette comtesse. Et en rentrant à la maison, c'est une honte que je ressens encore à l'heure actuelle, en rentrant à la maison, je lui ai fait une scène. Pourquoi lui ai-je fait une scène ? Il faut tout avouer, n'est-ce pas? Je lui ai fait une scène parce que ma mère avait un accent oriental et ne connaissait pas très bien la syntaxe et qu'elle m'avait par conséquent, c'est un mot stupide que je vais dire, qu'elle m'avait déshonoré en téléphonant avec son accent et sa mauvaise syntaxe française. Et je la revois encore, ma mère, si persuadée de sa faute et me demandant pardon. Et alors tout de même, je me suis aperçu de l'horreur que peut être un fils. Et je lui ai demandé pardon et elle m'a pris sur ses genoux, m'a consolé. L'émotion est à son comble. Vite, un peu de légèreté. Troisième tableau, le retour du pater austère, interprété par Jean Nocher. Non seulement elle nous inspire, nous domine, nous contrôle, mais elle nous enterre et elle nous survivront. Nous allons vers un régime de matriarcat. Je ne sais pas si nous aurons un jour la paix, mais ce qui est sûr, c'est que la femme ne sera jamais plus le repos du guerrier. Il ne croyait pas si bien dire, car dans le quatrième tableau, voici venir l'ère du repas des guerrières. Et d'autre part, il y a le mouvement inverse, qui est le mouvement de groupe des Amazones, qui vont attaquer des cités ou des peuples. Ces attaques sont destinées au fait qu'il faut bien qu'elles se reproduisent. Donc elles attaquent pour avoir chacune leur compagnon, s'unir à lui, se reproduire et ensuite le laisser. Oui, mais pendant ce temps, qui garde les enfants? Cinquième tableau, le Pierre au foyer. Je crois pas que ce serait plus personnel, plus touchant pour maman si tu composais toi-même un petit texte comme ça, plutôt que... Tu prends deux rimes, n'importe lesquelles, et puis... Je sais pas, par exemple, Périne et maman, tu vois, in, en, et puis tu fous n'importe quoi devant, et puis t'as une très belle poésie. Écoute ça. Je m'appelle Périne, j'aime ma maman, elle est dans la marine, c'est emmerdant. Ouais, c'est même pas vrai. Quoi? C'est même pas vrai qu'elle est dans la marine, maman. Effectivement, mais enfin, tu sais, c'est une licence politique, si tu veux, comment te dire. Je peux t'en faire une autre, tu veux, je t'en fais une autre. Je m'appelle Périne, j'aime ma maman, elle n'est pas dans la marine, c'est emmerdant. Ouais, c'est même pas vrai. Quoi encore? C'est même pas vrai que c'est emmerdant qu'elle n'est pas dans la marine, maman. J'y écoute Périne, là maintenant, tu vois, tu m'emmerdes. Je t'en fais une dernière, après tu me laisses tranquille. Je m'appelle Périne, j'aime ma maman, elle n'est pas dans la marine, en ce moment, comme ça, tu comprends. Si elle change d'avis, si elle s'engage dans la marine, ben on n'aura qu'à changer la fin. Merci beaucoup Flora Bernard pour cet hommage poético-burlesque et en cinq tableaux adressé à nos daronnes. Mais à 11h32, il est temps pour nous de retrouver la terre-mère primordiale puisque nous rejoignons le terroir jamais rasoir de notre petit village fleuri car il est l'heure de nos actualités locales et foutraques. Voici donc notre décrochage régional, direction Gros Boule-les-Bains. Comment vous appelez-vous, vous? Jean-Claude. Ça vous va, c'est fou. Alors maintenant, toujours en direct du Mangin Palace, retrouvons immédiatement nos deux smatchers gros boulets, Jean-Claude, le coup droit, et Monique, le revers, car cette semaine, toujours en première ligne dans la guerre de récession, Jean-Claude a trouvé un nouveau moyen pour se faire de la maille, donner des cours de tennis. Eh oui, Jean-Claude l'a bien compris en regardant les matchs de Roland-Garros, il y a de la thune à se faire. Alors, Jean-Claude ne s'est pas démonté et a été déposer sa candidature au club de tennis de Gros Boule. Bon, c'est vrai, il a quelque peu gonflé son CV pour épater le directeur du club. Alors, professeur de tennis au Beach Club de Marbella, Stanford House, à l'hôtel Fort Village en Sardaigne, à Nice. Oui, c'est vrai que j'ai pas mal d'expérience. Oui, je vois. Et une bonne réputation. Ça ne vous demande pas de ne pas jouer en professionnel? J'en bénis le ciel chaque jour. Je déteste le circuit et tout le reste. Ces interminables voyages et... Jamais je ne serais devenu un Ruzetsky ou un Agassi. Il faut vraiment le vouloir. Non pas que j'ai leur talent. Mais vous avez pourtant des références qui sont excellentes. Nous sommes un club extrêmement fermé. Vous commencez ce week-end? Je vous remercie. Merci infiniment. Jean-Claude a donc décroché un contrat de prof au tennis club de Gros Boule. Mais bon, à la vérité, il est un peu inquiet face à ses propres capacités devant la petite balle jaune. Heureusement, Monique est toujours présente pour le soutenir dans ses projets, et cela dans le moindre détail. Le plus petit détail peut nous faire perdre notre concentration. Absolument. On se réveille le matin, il y a un truc qui va pas, Il suffit de peu de choses. Une vague superstition pour que germe en nous une petite graine de doute. Et où qu'on aille, quoi qu'on fasse, ce sentiment de doute nous traque à chaque instant. Alors il suffit d'un point, d'un seul point. Le point décisif qui nous redonne confiance ou qui nous brise et qui détermine une fois pour toutes l'issue du match. Et l'issue reste évidemment incertaine quant au devenir de Jean-Claude comme professeur de tennis. Alors, pour être paré face à ses nouvelles fonctions, Monique a convaincu Jean-Claude de s'entraîner intensément. Bon, la location d'un cours de tennis coûte cher, et comme Jean-Claude est un tantinet radin, il a vu petit, ce qui d'ailleurs n'a pas été très payant. Oh, c'est rageant ça. Ah oui, tu comprends, il joue comme un pied, il n'a pas un jeu fin. Non, c'est très difficile de jouer avec un type qui est moins fort que toi. Hein. Avec un type plus fort aussi, remarque. Ouais, oui, c'est vrai. Belle main, ça dit, c'est là. Ouais, prends-toi. Oh, bravo! Exact, joli. Il l'a pas fait exprès, mais elle est belle. Bon, on en est à combien, là? 8-20. Pour qui? Belle main, non? Bon, la 21e. Tu la feras jamais. Hein? 21. Bon, la balle, pour favor. Excusez. Oui. Ah, il est habile, le macaroni. Je le sentais pas, ce mec. Jean-Claude ne sentait pas ce mec. Mais espérons tout de même qu'il se sente plus à son aise face à son premier élève. Jean-Claude, vêtu d'un sublime petit short et d'un polo blanc, entre donc sur le cours pour donner sa première leçon de tennis à un môme, dis donc. J'ai 12 ans. On peut pas partir dans une compétition, quoi. On est trop vieux. Mais si, par exemple, on veut être comme faire des grandes compétitions, des tournois mondiaux, à notre âge, ils étaient déjà classés. Ah ouais, se dit Jean-Claude. Encore un fils à papa qui veut se la péter, ça. Bon, Jean-Claude refuse de montrer qu'il doute de ses capacités tennistiques et commence la leçon sans montrer ses émotions. Ces petits jeunes, où est-ce qu'ils trouvent cette énergie pour rester concentrés? Ils n'ont peur de rien. La peur, c'est la pire des choses. Et pour la première fois de ma vie, j'ai peur. Pas de perdre. J'ai même pas peur de ce petit jeune. J'ai peur de ce qu'il adviendra si toutes ces balles continuent de me passer sous le nez. Qu'adviendra-t-il alors? Et ce qu'il advient, puisque Jean-Claude n'est pas pédagogue, c'est inévitablement des conseils très adaptés. Vous êtes un battant de premier ordre, c'est ça? Jeune, con, plein de foutre et d'hormones, je sais tout ça. C'est vrai, quoi. Il devait s'imaginer qu'on était en manque de trou du cul. Mais fair play, le môme accepte le combat. Le match s'annonce intense. La raquette à la main, Jean-Claude s'en sort d'ailleurs très bien face à ce môme de 12 ans, enfin malgré sa défaite. Défaite, c'est pas le mot, je veux dire. Bon, bien sûr, c'est dur à avaler. Enfin bon, ça remet pas en question ma carrière. Disons que moi, j'essaie de faire du beau tennis, tu vois. Oui. Bon, c'est sûr qu'au premier set, bon, 6-0, c'était un petit peu dur. Ça m'a permis d'étudier un petit peu le jeu de Björn Brandner. Bon, après, le deuxième set. Deuxième set, oui. 6-0. Voilà, j'ai senti un petit peu sur une paire de vitesses. C'est vrai. Bon, mais quand même, au troisième set, faut quand même bien dire que j'ai remonté la pente. Oui. 6-4. 6-0. 6-0 ? 6-0, oui. T'es sûr ? Ah oui, je suis sûr. Ça t'en veut ? C'est Yannick qui l'a préparé hier. Oh non, c'est vrai. Hein, quoi ? Effectivement, Jean-Claude n'est pas le parangon du tennisman à la vie saine et équilibrée. Quoique, de nos jours, on sait plus trop, hein. Bon, tu t'en doutes, Jean-Claude a immédiatement été viré de ce job de prof de tennis. Mais tout de même, pour épater Monique, il a organisé ce week-end un double avec les voisins. Cependant, là encore, ce fut compliqué. Ouais, non, 15-0, ok, 15-0. Ah bon, ça marche par 15? Eh oui, on est au tennis, ça marche par 15. Évidemment. Alors ça fait 15-0, alors? Oui. Bon, alors c'est à qui le service? C'est à Didier, justement, comme c'est à Didier, tu dis 0-15. Mais oui, c'est 0-15, on dit, attends. Ah bon? Mais bien sûr. Mais alors, ça a combien le point? Bon, écoute-moi, au tennis, c'est 0, 15, 30, 40, jeu. Voilà. Et attends, c'est pas fini. Quand tu as 40 et que nous, on a 40, tu dis pas 40-40, tu dis égalité à la place, t'as compris? Voilà, et quand t'as 30-30, quand t'as 30A, tu dis pas égalité, tu dis 30A. Et alors, imagine, il y a 40-40. Ils font le point, le prochain point, là, ça fera égalité. D'accord? Voilà, ça fera le point, donc. Ok? Ouais. Bah okay. Non, ça fera avantage. Tu es mauvaise. Bon, ça va, tu veux me vexer, là? C'est à toi de faire le service. Ok, pas de problème. Qu'est-ce que vous voulez? Une bière, un jus de fruits, du vin rouge? Vous voulez quelque chose? Bon, il fut vite évident pour tout le monde que ni Jean-Claude ni Monique n'avaient les qualités de joueurs émérites. Et comme personne ne voulait leur renvoyer la balle, c'est tous les deux qu'ils ont joué au tennis en tête-à-tête avec des juges de ligne tout de même. Juge de ligne prêt, 30-15. Bien, alors maintenant, toujours en direct du Mangin Palace à 11h40, après avoir découvert les étranges échanges de ce match de tennis entre Jean-Claude et Monique, il est l'heure de retrouver notre petit reportage Made in Panic, consacré ce matin à l'entrée en vigueur, depuis lundi dernier, du revenu de solidarité active. Et pour évoquer cette nouvelle mesure sociale, le RSA, qui devrait permettre a priori à 700 000 personnes de passer au-dessus du seuil de pauvreté, notre facétieux reporter, M. Julien Dugast, est allé à la rencontre d'une association qui se bat contre une redoutable pandémie, certes moins médiatique que certaines, mais tout aussi dangereuse, à savoir le virus de la grippe précaire. Résultat, c'est avec un masque et en blouse blanche que ces spécialistes émérites de la pauvreté sont intervenus mercredi dernier dans une caisse d'allocation familiale de Paris. Ainsi, juste après la virgule, chers amis, découvrons l'inquiétude de ces curieux épidémiologistes. Seigneur, tu as mis au monde beaucoup, beaucoup trop de pauvres gens. Mais s'il n'y a pas de honte à être pauvre, il n'y a pas de quoi en être fier non plus. Quel mal y aurait-il ? Si j'avais une petite, petite fortune. On leur a transmis un virus létal. Ils sont extrêmement contagieux. On leur a donné un inhibiteur. Quel genre de virus ? On ne peut pas soigner ce qu'on n'a pas d'abord étudié. Quel genre de virus ? Vous pouvez m'expliquer pourquoi tout le monde met un masque ? Parce que on manifeste contre la grippe précaire. La contamination se fait par le sang et la salive. Une seule morsure. Non ! Arrêtez ! Vous êtes inconscient ! C'est une action symbolique, elle est un peu ironique, mais c'est pour attirer l'attention du public et pour dire aux gens, ne restez pas isolés, regroupez-vous, il y a des associations de chômeurs, de précaires, ne restez pas seuls dans votre coin, déprimés, venez nous rejoindre. Sécurité, il y a une intrusion dans le secteur. Enfin, un cordon sanitaire contre la précarité. Un cordon sanitaire contre la précarité. Attention, attention, c'est un virus qui se propage. Oh, microbe, pas assez de job. Oh, microbe, pas assez de job. On est où là ? Là on est à la CAF de Paris 19e et voilà, on est en train de faire un cordon sanitaire à l'intérieur de la CAF et là on est déguisé en bonhomme blanc prêt à être intoxiqué parce que c'est ici, c'est un des premiers lieux de précarité et là on est en train de fêter en quelque sorte l'arrivée du RSA qui précarise clairement un statut, c'est-à-dire qui a multiplié les emplois à mi-temps voilà, pour les gens les plus faibles et juste donner 100 euros de plus à des gens qui sont largement en dessous du seuil de pauvreté. Aujourd'hui, il y a 7 millions de personnes qui vivent en dessous du seuil de pauvreté. C'est 880 euros, c'est rien du tout. Et le RSA va aider à multiplier ce genre de situation. Les pauvres, ils font aucun effort pour devenir riches. Il y en a marre des pauvres. Et quand ils jouent au loto, ils réfléchissent même pas ce qu'ils cochent. Il y en a marre des pauvres. Et puis c'est sûrement la faute des pauvres s'il y a de la misère. La grippe précaire risque de se propager. Nous sommes venus mettre en quarantaine ce lieu pour éviter la contamination. Surtout, ça va obliger les femmes seules avec enfants qui touchaient l'allocation de parents isolés à chercher un emploi ou à prendre une formation et à être obligées de faire garder leurs enfants. On ne se rend pas compte que les RMistes et les femmes en API vont être obligées de chercher un emploi précaire. Sinon, elles n'auront plus rien. On leur supprimera le RSA, il n'y aura plus rien. La grippe précaire, c'est pire la grippe aviaire. Ah, face perdu, je garde la fortune. Ah, j'ai eu peur. Oh mon Dieu, j'ai eu peur. C'est marrant, non ? Bah attendez, c'était des conneries, je l'ai acheté à Taïwan cette pièce, elle a deux côtés face, c'est marrant non ? Pour nous la solution c'est un revenu garanti pour tous de niveau correct, avec ou sans emploi, parce qu'on doit avoir une protection contre la précarité et le chômage. Oh, les gens, ils voient que ça, la grosse baraque, la Porsche. S'imaginent que t'as plus de problèmes, tu vois. Ouais, bien sûr. C'est-à-dire qu'à première vue, on n'a pas trop tendance à s'en faire pour vous, quand même. Ah. C'est, on se dit, on se débrouiller, quoi. Oh oui, mais attention, c'est très très dur. Hein. Puis il faut savoir qu'on est extrêmement sollicité. Il n'y a quand même pas un jour où les œuvres de charité n'appellent pas la maison. Non, c'est vrai. C'est insupportable. Ah oui, c'est vrai. Est-ce que ça, c'est une action ironique ou pour faire sourire? Non, bah les deux, voilà, c'est fait pour faire sourire parce que là, on est en train de se moquer de la CAF, de lieu précarisé. Et surtout, par exemple, ce qu'on voit, c'est que la CAF distribue des aides, c'est clair, mais c'est juste, voilà, c'est une petite perfusion pour nous faire survivre et ça suffit largement pas. Attends, et qu'est-ce qu'on fait pour le refrain? On dit quoi? Il y en a plein le cul des pauvres? Ou on dit il y en a marre des pauvres? Oui, assurément, certains de nos amis les riches doivent en avoir ras-le-bol des pauvres quand ils se disent que ce RSA, là, c'est encore leur pognon qui s'en va. Du coup, ils développent évidemment eux aussi d'autres symptômes propres à leurs conditions sociales, tels l'urticaire, l'ulcère, ou pire encore, des phlébites, tant ils trépignent sur place. Vous l'avez entendu comme moi, un monsieur a prononcé tout à l'heure le mot phlébite. Nous sommes quelques-uns à ne pas avoir apprécié. Si on commence à utiliser ce mot à tort et à travers, les conversations ne seront bientôt plus faites que de phlébite par-ci, phlébite par-là, et je ne pourrai plus faire mon marché, ni moi ni personne d'autre d'ailleurs, sans qu'on m'inflige à tout bout de champ des « quelle belle phlébite cette semaine » ou des « attention mesdames, moins 20% sur les phlébites » et j'en passe volontairement. Non, pour que le bon sens triomphe, ne disons phlébite que si nous ne disposons d'aucun autre mot adéquat. Et si phlébite s'impose finalement, prenons la précaution élémentaire de dire « phlébite, passez-moi le mot. » Tiens, la sœur de ma femme, par exemple, a une phlébite. Eh bien, pour simplifier, nous disons tous « contrariété ». La sœur de ma femme a une contrariété. Bonsoir. Merci, professeur Rollin. Je traîne dans les rues et je n'en peux plus. Moi, j'ai joué et puis j'ai perdu. Moi, j'ai joué et puis j'ai perdu. Je suis seul au monde, je l'ai bien voulu. Moi j'ai joué et puis j'ai perdu. Moi j'ai joué et puis j'ai perdu. Je n'étais au fond qu'un enfant gâté. Rien ne m'était défendu. Mais je les ai trompés, je les ai ruinés. Moi j'ai joué et puis j'ai perdu. Moi j'ai joué et puis j'ai perdu. J'ai joué et puis j'ai perdu. J'avais une terre et je l'ai vendue. Moi j'ai joué et puis j'ai perdu. Moi j'ai joué et puis j'ai perdu. J'ai pris tous les risques de mon côté. Je fais ce que j'ai voulu. J'ai voulu choisir la facilité. Moi j'ai joué et puis j'ai perdu. Moi j'ai joué et puis j'ai perdu. Mais toi tu m'as plu et je t'ai gardé. Là j'ai joué et puis j'ai gagné. Là j'ai joué et puis j'ai gagné. Là j'ai joué et puis j'ai gagné. Oui j'ai joué et puis j'ai gagné. J'ai joué et puis j'ai perdu. C'était en 1966, l'amer constat de Claude François, alors qu'aujourd'hui, pour tous les enfants, c'est la fête de la mère. Maman, c'est toi la plus belle du monde. Aucune autre à la ronde n'est plus jolie. Alors maintenant, à 11h49, nous accueillons avec grand plaisir notre ami Xavier Mauduit afin de compléter au mieux notre petit tour d'horizon déjanté de l'actualité. Ainsi, la panique au Mangin Palace ouvre son petit kiosque à journaux. Allô Marcel. Ce que je reproche aux journaux, c'est de nous faire faire attention tous les jours à des choses insignifiantes, tandis que nous lisons 3 ou 4 fois dans notre vie les livres où il y a des choses essentielles. Alors, comme tout palace qui se respecte, le Mangin Palace, bien sûr, dispose d'un petit kiosque à journaux sévèrement fourni. Et afin de ne rien oublier d'essentiel, M. Mauduit, ici présent, s'est chargé pour nous de feuilleter la presse. Bonjour Mauduit. Salut Colin. Alors, que dit la presse cette semaine, camarade ? Eh bien, aujourd'hui, Philippe, nous ne pouvons pas parler de politique en raison des élections européennes. Et comme quelques noms d'oiseaux ont fusé pendant la campagne électorale, je me suis intéressé cette semaine à la vie des animaux. Tout d'abord, le Nordsee Zeitung, un quotidien du Land de Brême, dans le nord de l'Allemagne, nous donnait, mercredi, une information très intrigante. Un couple homosexuel, des garçons, sont les heureux parents d'un bébé qu'ils viennent tout juste d'adopter. Ces nouveaux parents sont un charmant couple de manchots Humboldt, domiciliés au zoo de Bremerhaven. Cela mérite quelques explications. Il y a quelques années, le zoo de Bremerhaven avait constaté que dans sa colonie de manchots mâles, des couples, évidemment homosexuels, s'étaient formés. Diantre alors, s'est dit la direction du zoo, vite, vite, des femelles qui furent introduites en 2005. Enfin, introduites, c'est vite dit, elles furent simplement placées au milieu des mâles qui ne les ont pas du tout calculées. Ah oui. Et bon, que les tenants de la morale soient rassurés, un couple de manchots hétéros s'est quand même formé et il a fait des bébés. Mm-hmm. Mais Vlatipa, il y a quelques semaines, ce couple de manchots abandonne un de ses œufs. Alors oui, la direction des zoos, du zoo a tout fait pour leur refourguer, mais non, ils n'en voulaient plus. C'est alors qu'un couple homo manchot qui passait par là s'en est chargé, il l'a couvé jusqu'à éclosion et tout le monde semble heureux au pays des manchots. Pardon Philippe, excusez-moi, j'entends une remarque de Tristan qui nous écoute à l'antenne Vertière en Franche-Comté, donc Tristan de l'antenne bien sûr, qui donc vient de dire à côté de son transistor que les animaux sont de véritables agitateurs sociaux. Bah oui, effectivement. Voilà, si on regarde ce qui se passe à Copenhague par exemple. Le quotidien danois, Berlingske Tidende, est en mémoire. Ils sont incroyables, vos journaux, ils sont incroyables. Oh, ils sont formidables. Dans ce quotidien, la Berlingske Tidende, avec photos et haut barré à l'appui, dans son édition de jeudi dernier, nous explique qu'au cœur de la famille royale danoise, il y a un virulent agitateur antimilitariste. Il s'agit d'Evita, le teckel d'Henrik, le mari de la reine Margaret. Donc Margaret le... Oui, oui, oui, je prononce très bien le danois. Henrik, donc, c'est le prince consort en même temps que le chien. Et Vita, gentille demoiselle Teckel, ne peut s'empêcher de mordre les soldats de la garde royale. Déjà en mai 2008, elle avait croqué un planton devant le palais royal. 3 semaines d'arrêt maladie quand même, hein. Ça rigole pas le Teckel. Et samedi dernier, c'est un garde du château de Fredensborg qui a été déchiqueté par l'animal. Alors les parlementaires danois sont vraiment chamboulés. Ils ont demandé à ce que la bête soit euthanasiée. Oh là, ah, c'est le drame. Il y a quelque chose de pourri dans le royaume du Danemark. Et pourtant, les teckels ne sont pas les seuls animaux qui posent problème cette semaine. Mm-hmm. Une dépêche de l'AFP de lundi dernier nous apprenait qu'une horde de serpents sème la panique dans les villages de la région de Nasiriyah au sud de l'Irak. Il y a des serpents partout, ils mordent le bétail, c'est une horreur. Alors comment comprendre cela ? Eh bien, c'est l'assèchement des marais qui explique le déplacement des serpents. Le débit de l'Euphrate est trop faible pour alimenter ces marais à cause des barrages turcs, mmh, en amont. Et oui, qui ne libèrent pas assez d'eau. C'est le début de la guerre de l'eau. Et pourtant, il s'en passe des trucs dans l'eau. C'est ce que nous explique tous les 2 mois le magazine des voyages de pêche, spécialiste de la pêche au gros. Oui, on ne parle pas assez des pêcheurs au gros. Leur dieu est Carlos et l'anchois les dégoûte. Dans son numéro d'avril, le magazine avait évidemment fait un gros poisson d'avril. Et ben là, ils s'amusent. Alors, ils ont inventé le Kill Kill Fishing Club au Nigeria, dont le but serait de pêcher un maximum de gros poissons sans aucun respect pour la nature. Tout ça pour offrir des filets et des palans aux gros villageois pour cette fois pêcher des requins, des espèces menacées. Gros poisson d'avril, quoi. Et dans son édito ce mois-ci, très honnête, hein, le rédacteur en chef se dit un tantinet surpris par le nombre de pêcheurs viandards, mais très intéressés, qui lui ont écrit « Ah bah, on veut aller au Kill Kill Fishing Club ». Bon, il explique quand même qu'il a reçu une majorité de courriers de lecteurs vraiment écœurés et que bon, les mentalités écolo semblent évoluer. Il dit que c'est bon signe. Mais pourtant, les spécialistes de la pêche au gros, les vrais spécialistes, ce sont les soldats ricains qui ont fait mais vraiment une grosse prise. Le quotidien Libération de mercredi dernier nous raconte l'horrible histoire de Jawad, un ado de 19 ans emprisonné depuis l'âge de 12 ans à Guantanamo. Ah oui. Tout a mal commencé pour ce môme à Kaboul en décembre 2002, quand il a été accusé d'avoir jeté une grenade au passage d'une patrouille américaine. Arrêté par la police afghane, Jawad a été torturé et on l'a menacé de tuer sa famille s'il n'avouait pas. Bon, bah, le môme a signé des aveux. Enfin, plus précisément, il a posé son empreinte digitale au bas d'un papier écrit en Dari. Et Jawad ne parle pas Dari, puisqu'il est pashtoun. Mais surtout, il est illettré. Donc, oui, forcément, forcément, des aveux pas très crédibles. Mais ça n'a pas empêché les militaires américains d'exiger qu'on leur livre le gamin. Et Libération nous décrit son calvaire. Nu, une cagoule sur la tête, ses interrogateurs lui ont placé une bouteille dans la main en lui faisant croire que c'était une bombe. Le môme a 12 ans. Hein. Et il a cru, il n'a pas dit longtemps qu'il était innocent. Il a avoué à nouveau. Oui. Ensuite, il a été envoyé à la prison de Bagram, puis à Guantanamo, au même régime que les adultes, c'est-à-dire isolement, obligation de rester des heures dans des positions inconfortables et privation de sommeil. Oui, Jawad, il a connu une torture, je ne connaissais pas moi, qui s'appelle le Frequent Flyer. Il a été changé de cellule 112 fois en l'espace de 13 jours. C'est horrible, avec des bruits assourdissants, des lumières puissantes. Bon, le môme a malgré tout toujours clamé son innocence et aujourd'hui l'Afghanistan demande son rapatriement. Voilà, donc après un week-end de mémoire où Barack Obama a légitimement rendu hommage aux libérateurs de l'Europe, nous lui souhaitons maintenant beaucoup de courage de retour chez lui pour continuer à démêler les tourments du présent. Merci, Monsieur Mauduit, pour cette formidable revue de presse. À la semaine prochaine, cher ami. Le kiosque referme ses portes. Voilà, fin du 166e épisode. Tout le monde descend, faites gaffe de ne rien avoir oublié, c'était les actualités, revues et corrigées par la bande de furieux du Mange à Palace. On se retrouve dès le week-end prochain, le samedi et le dimanche, à 11h et en direct sur France Inter, pour de nouvelles aventures archi-loufoques et total foutraque, bien sûr. Panique au Mange à Palace est une émission coécrite les doigts dans la prise, avec le professeur Mauduit, un ami précieux que je remercie chaleureusement. Merci à toi, monsieur Xavier. Au platine, au montage et à la réalisation, il y avait bien sûr ce matin le maestro H2M, Henri Marc Mutel. Merci beaucoup Marco. Assisté aujourd'hui à la technique de Litvin Caron et d'Antoine Viossa, merci beaucoup à vous deux. C'était parfait. Pour toute la documentation et la préparation des clips sonores, on dit merci beaucoup à Flora Bernard, Julien Dugast, Claire-Sophie Collet, Yvan Beaugelet et Lina Lhomme. Pour les scuds et toutes ces trouvailles, on a l'inépuisable Thierry Dupin qu'on remercie également vivement. Merci aussi beaucoup à Olivier Lefayard pour toutes ces idées complémentaires, ainsi qu'au formidable documentaliste de Lina. Voilà, pour les informations supplémentaires, la panique au Mangin Palace possède un site internet sur franceinter.com où vous pourrez dans quelques minutes récupérer l'émission pour une balado-diffusion, autrement dit, le podcast. La journée continue sur France Inter. Après le flash, vous retrouvez Marie-Pierre Planchon et sa propre recette du crumble. Allez, portez-vous bien, prenez soin de vous. On se retrouve dès samedi à 11h pour le ministère psychique et dimanche prochain, toujours à 11h et en direct sur France Inter pour un nouvel épisode du Mangin Palace. Mais en attendant, d'ici là, et surtout aujourd'hui, hein, un seul mot d'ordre, surtout, surtout, ne lâchez rien. Ciao. On dirait que c'est la fin. Attends un peu, c'est moi qui suis le chef. Je dirai quand ce sera la fin. Ils couinent encore, ces salauds-là. C'est la fin.